Sur ton visage, je vois ta tendresse. Dans ton regard, ta délicatesse. J'aimerais pouvoir te connaître mieux. Prendre une image au fond de tes yeux. Je perds ma lumière quand tu es loin de moi. Je cherche l'étincelle qui brûle dans ta voix. Je t'ai vu dans un de mes rêves amoureux.